tire 7 dans le bank. Je fume mes poids dans le bank. Avec la choupette dans le bank. Ça crie à ça. Je me rappelle au réseau à l'époque y avait la citation. Ça faisait des cambios sans pister même sous la pluie battante. Ça criait des haras dès que tu voyais les yeux dans la banque. Ça vendait la parole, ça la faisait partir à 5 ans. Je me rappelle quand je sortais de passer, j'avais toujours le split à la vue. Il te mettait sur le côté, ces gros fils d'eux, ils cherchaient la vue. Dans le bank, je fume mes poids dans le bank. Avec la choupette dans le bank, ça crie à ha. Je vais mettre du bank, je suis toujours dans le bain. Vas-y, contrôle-moi, mais s'il te plaît, mets pas les mains. Je vais mettre du bank, je suis toujours dans le bain. Y'a toujours du stup, ouais, dans la sacoche, pas le main. 7 sur 7, je fume mes poids. Avec la choupette, ça crie à ha. Quand tu parles dans le vide, j'ai plein de le changeur, je le vide. Tu restes sans vide comme les tribunes pendant le Covid. On veut remplir le stade ville, Marseille, ça nous appelle les Marvel. Une instru, une capture, je te fais danser, mais Marine Le Pen. Je sors, ça fait des parties, c'est ou FIFA ou Call of Duty. Je le machine dans les parties, si y'a Haja, je sors les outils. Là, je suis calé dans mon quartier, un petit flash, ça nique la routine. On n'a pas le droit de ses plaines, pense aux potos qui tombent, qui cantinent. Dans le bank, 7 sur 7, dans le bank. J'fume mes poids dans le bank. Avec la choupette dans le bank, ça crie à ha. Je vais mettre du bank, j'suis toujours dans le bain. Vas-y, contrôle-moi, mais s'te plaît, mets pas les mains. Je vais mettre du bank, j'suis toujours dans le bain. Y'a toujours du stup, ouais, dans la sacoche d'Allemagne. Dans le bank, dans le bank, dans le bank, dans le bank, dans le bank, dans le bank, dans le bank, dans le bank, 7 sur 7, dans le bank. Je vais mettre du bank, je suis toujours dans le bain. Vas-y, contrôle-moi, mais s'il te plaît, mets pas les mains. Je vais mettre du bank, je suis toujours dans le bain. Y'a toujours du stup, ouais, dans la sacoche, pas le main. 7 sur 7, je fume mes poids. Avec la choupette, ça crie à ha.